96.2. La FM en couleur. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves. Nos espoirs en forme de rapidité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. Un retour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Forever with me. 96.2. La FM en couleur. Bonjour et bienvenue sur ce Push Pop Music and Lifestyle Show. Je m'appelle Réfile. On est ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui. J'espère que tu es bien et tout va bien avec vous. J'ai joué Yang Kai avec la chanson Blue. Maintenant, je vais jouer Luen avec Jure 1. C'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. 9 jours, la vie c'est du velours, et l'éternité, une nécessité. Jour 10, variation du délice. Que voudrais-tu faire? Une balade en mer. Chaque jour, dépendance à l'amour. Pas de danse autour. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Celui qui s'efface. Quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui c'était un jour sans en avoir l'air, de l'orage dans l'air. Jour 1000, t'as touché dans le mille, essence térébenthine cachée dans la poitrine. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour. Quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. C'est le jour. Just like that. Up in a nasty girl, nasty, up in a nasty girl.

bande d'amis. Vous avez 120 nouveaux likes. Vous n'avez pas vu vos amis depuis 2 mois. Votre vie est digitale. LOL. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Ça s'approche Pop Music and Lifestyle Show sur Radio Arc-en-Ciel. On ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui. J'ai joué soprano avec mon précieux. Et maintenant, je vais jouer Jello avec Twika. Enjoy. What does it feel like having your name called on such a big day? I might swerve in that corner, whoa, whoa. Bitch, hold on tight, cause I tweaking this bitch, I letting shit go. And I heard that she wanna show, whoa, me who she be, I'm kinda fucking with it, show me some more. Bitch, we tatted, head to toe, could give a fuck, the story wrote. You wanna tweak it up with me and I'ma show you how that go. Like the money in my pockets blow, whoa. They having combos about me, these pussy niggas don't know. Tell me what they talking about. I ain't fucking listening. Let your thoughts run your mouth. But ain't touching dividends, nigga. I ain't from the south, but kick it with my Memphis twin. Nigga, I can't take a loss. I'm always going for the win. I been geeked up in this booth. I got my blunt pack for the starter. Nigga, don't be acting new. They put some hoes all through your body. I'm like, oh, the hoes is cool. Let them in if they shit water. See a nigga acting bothered. Got my green light to red dollar. If you spot me, oh, I'm sorry. I can't take you and get naughty. Look like your nigga want smoke. Well, we gon' do this shit regardless. And I started from the bottom, just like you, but I was hard. I came up a fucking soldier, nigga. Shout out to my father. He made sure I make it farther. My trust in God, rising dollars. I might swerve in that corner, whoa, whoa. Bitch, hold on tight, cause I tweaking this bitch, I letting shit go. And I heard that she wanna show, whoa, me who she be, I'm kinda fucking with it, show me some more. Bitch, we tatted head to toe, give a fuck, the story wrote. You wanna tweak it up with me and I'ma show you how that go. Like the money in my pockets blow, whoa. They having combos about me, these pussy niggas don't know. With my evil twin, all black hoodies, we hit the streets again. He don't like attention, he'll tweak and get the reaper shit. What your ass expect, we draw the horror in a demon, bitch. He'll pop out, won't think twice and make you greet the switch. Is you sure you wanna meet that bitch? If I see ill intentions, we'll make sure you get the bleeding clean. All they got it was the whole damn game being some rocket shit. Pull up to the scene, my best advice is to hide your bitch. I can see the lies all on your faces, cause your eyes are switched. The plastic mask all on our fucking faces, be disguising shit. I'ma have my way with your baby, you wanna crash shit. Rest my Glock against a fucking waist, I got some pottery. She my bitch, not my partner. My story, no more enemies. You ride with me to rap with me. Well, I'm gonna keep it real. She lost respect when you said follow me. I might swerve in that corner, whoa, whoa. Bitch, hold on tight, cause I tweaking this bitch, I letting shit go. And I heard that she wanna show, whoa. Me, who she be, I'm kinda fucking with it, show me some more. Bitch, we tatted head to toe, we give a fuck, the story wrote. You wanna tweak it up with me, and I'ma show you how that go. Like the money. C'était n'y pas croire, c'était pourtant hier. Mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh, si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, pour rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore. Même s'il est tard,

Oh oui, c'est ça. Dans les nouvelles, il y a Dolly Parton's anniversaire qui vient bientôt. C'est lundi, le 19 janvier, les icons de la country, Dolly Parton, célébrer ses 80 ans. Pour marquer cet anniversaire, la chanteuse vient de dévoiler une nouvelle version de l'un de ses tubes, Light of a Clear Blue Morning, installment sorti en 1977. Ces morceaux porteurs d'espoir drainés. Aujourd'hui, à travers une collaboration réunissant plusieurs figures féminines majeures de la musique américaine. Dolly Parton s'est retournée de partenaires de longue date, Lenny Wilson, Reba McEntire, Queen Latifah, mais aussi de la pop star Miley Cyrus. Les recettes générées par ces morceaux et par les clips vidéo qui la compenseront révélées à la recherche sur le cancer pédiatrique au sein de l'hôpital pour enfants Monroe Carell Jr. de Vanderbilt et Nashville dans le Tennessee. Dans un communiqué, l'artiste a expliqué la portée émotionnelle de cette chanson. J'ai écrit Light of a Clear Blue Morning à une période où j'étais inquiété d'espoir. Et 50 ans plus tard, ce message résonne toujours autant. Alors que je célébrais mon 24e anniversaire, cette nouvelle version est ma façon d'utiliser les dons que j'ai reçus pour apporter un peu de lumière, notamment en la partageant avec des femmes vraiment exceptionnelles. Joyeux anniversaire à Dolly Parton. Et pour elle célébrer, je vais jouer une chanson, Dolly Parton 925. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Some shatter, you're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments.

Watashi wa star. Like Tetris, but this money ain't a game. Watashi kawaii, kalata. Drinking out the bottle, getting twisted maruchan. Big exotic Hermes, this a crap. Watch too expensive, ain't no way I'm getting clapped. I think I'm so sexy, every shirt I own is cropped. So many carrots, diamonds, do the bunny hop. U.S. or Japan, if he meet me, he gon' bow. I got yen for your friends, if they pretty, bring them out. Bring them dumb and madam blue, pouring sake in they mouth. Told him, put me on his plate, bring them chopsticks for the I get money, I'm a star, star, star, star, star, star. I get money, I'm a star, star, star, star, star, star, star. お金稼ぐ、俺らはスター。 お金稼ぐ、私はスター。 スター、スター、スター、スター。キラ、キラ、 私はスター。 流れる星たちどこに向かう？また願い叶えながら暮らす。ジュエリー身につけたまま歌う。スターたちが集まったスタジオ夜な夜な酒たくさん並ぶアジトさっきまで六本木で収録ラジオそっからテレビ撮影するはしごカメラたち追いかけてる俺たちを大好きピカピカのダイヤ暗いとこ輝いてる毎晩 Nice to meet you する挨拶 I'm so happy ありがたいな I get money I'm a star star starStar, star, star, I get money, I'm a star, star, star, star, star, star, star. お金稼ぐ、俺らはスター。 お金稼ぐ、私はスター。 スター、スター、スター、スター、キラ、キラ、 私はスター。 Surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps. Qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant. Pour regarder en arrière, revenir en souriant. En gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire. Je peux seulement te dire. Qu'il m'a fallu la peur.Je pour les perdants.

you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smell bad. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? Pour Vénus, celui qui va jusqu'à Mercure. J'ai pas pris la ligne 21, y'avait trop de monde sur la lune. Il fallait descendre à l'azur. Et toi, où es-tu dans l'espace? Attends, je n'entends plus, je passe dans un tunnel d'astéroïdes. Tu disais avant le trou noir, tu n'irais pas voir ce soir ta sœur et son mari, Corinne. On pourrait se rejoindre. J'ai des rêves à te peindre. Retrouve-moi rue des étoiles. Après Saturne, il faudra suivre les comètes. On apercevra Uranus, aussi Pluton, le Terminus, là où la galaxie s'arrête. Je sais, on n'ira pas sur Mars, car c'est là qu'habite la garce qui t'a volé ton ancien mec. Et oublie tes nuits sans sommeil, de l'infini jusqu'au soleil, je t'apprendrai à vivre avec. Et tellement d'autres choses, l'envie en overdose. Retrouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you soleil toute la journée. Is Teddy Swims. That was Teddy Swims with Lose Control. This is Posh Pop Music and Lifestyle Show. My name is Refilwe, and we've just entered the last few minutes of us hanging out together today. But it's okay. The last few minutes are still going to be banging because I got some good music and some information from the AFCON that ended last night. But you need to stay tuned to find out what exactly happened if you did not follow the game. Okay? Next up, je vais jouer Jennifer avec Au Soleil. The line

La vie mêle sur Arc-en-Ciel Orléans. Ça, c'est Push Pop Music and Lifestyle Show. Je m'appelle Riffy Lue. J'ai joué Frédéric Lena avec Plus là. C'est un bon, beau chanson. Et maintenant, je vais te dire qu'est-ce qui se passe avec AFCON. Sénégal jouait avec Maroc hier soir. Et le Sénégal jouait le Rabbit Jeu dans une finale qui restera dans les annales pour 16 controverses arbitrale. Les Lions de la Teranga ont mis fin au espoir du Maroc de remporter sa Coupe d'Afrique des Nations devant son public sur l'Inde dimanche 18 janvier. Grâce à un but de Pape Guéant en prolongation, les Sénégalais remportent leur deuxième CAN après être en temps sorti du terrain pour protester contre une décision de l'arbitre. Le Maroc a eu l'occasion de l'emporter sur un penalty litigieux, mais Brahim Diaz l'a manqué. Ils se sont servis de leur rage pour se bonifier en prolongation, alors que les débats avaient été élucubrés pendant les 90 premières minutes. Les Sénégalais avaient cru ouvrir le score dans le temps additionnel. Ces deux minutes additionnelles, grâce à Ismaili Sarr, mais la Bretre l'a refusé par une légère poussée d'Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi. Une première décision litigieuse. Puis deux minutes plus tard, ils sont hurlés au scandale quand ce même arbitre, avec l'aide de la VAR, a accordé un penalty au Maroc pour un léger accrochage entre El Hadji, Malik Diouf et Brahim Diaz. Ça, c'était 4 minutes plus tard, encore en plus, pour cette finale. Mais les Sénégalais, ils ont gagné 1-0 à dimanche. Félicitations à toutes les Sénégalais. Et je sais aussi, c'est pas bien passé en Paris pour 17 personnes, parce que 17 personnes, ils ont arrêté après la fête, parce qu'ils ont fêté beaucoup et ils ont fait beaucoup de bêtises. Donc, je crois que tout le monde va bien maintenant. Mais maintenant, je vais jouer Benson Boone with the song Beautiful Things. Do enjoy. But lately, I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take the beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take the beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. De vallées, de prairies, de rivières et la joie des plaines, la chance, la déveine. J'ai croisé des cactus, des coyotes, des roulottes à la chaîne et des fantômes à la pelle. J'ai dévalé tout le monde, mes bottes foulées la poussière. Les bonheurs et les belles. J'ai bravé sans danger, traversé les terres chères aux Cheyennes. J'en ai déçu, déçu ou même. Ooh, babe, you think she's so cool. Kicking back on your couch, making ice cream across the room.

out much, but then again, it's just enough. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. That was Mark Amberworth, Belong Together. This is Posh Pop Music and Lifestyle Show. My name is Rufilo, and just like that, we have come to the end of our show. But don't you worry, I'm going to leave you with some good, good music, but we do it again next week, Monday. Maintenant, je vais jouer Native avec Si la vie demande ça. Okay? Moi, toi, on se trouve lundi prochain. À bientôt. ville, le grain se lève. Vent de nerfs agité, que s'éternise les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève. Oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans ma réalité, que neige, une planche de salut. Loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage, que neige. De salut, vent du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4 par 3. Un bonheur simple, mais à mon goût, c'est un peu vrai, mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume, et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut. Loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut. Loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Oh. Que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan, brise ta lune pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Horas no continente e na Madeira, 2 da tarde nos Açores. Olhamos agora para as notícias que marcam esta segunda-feira, João Vasco. A Ministra da Saúde afirma que ainda não se sabe se houve uma relação direta entre a morte este mês de 3 pessoas que aguardavam o INEM e a demora na chegada ao local dos meios de emergência. Ana Paula Martins espera que as conclusões dos inquéritos ao que se passou sejam em breve do conhecimento público. O Ministro das Finanças defende uma resposta forte e unida da União Europeia às ameaças de Donald Trump de aumentar as tarifas aos países que enviaram tropas para a Groenlândia na semana passada. Miranda Sarmento diz que há linhas vermelhas que não se podem ultrapassar e a soberania dos Estados é uma dessas linhas. Subiu para 111 o número de mortos na sequência das chuvas torrenciais que têm afetado Moçambique desde o início da época das chuvas, no último mês de outubro. Notícias às 3 na Antena 1, a edição é do jornalista João Vasco. A Ministra da Saúde recusa relacionar as mortes de 3 pessoas este mês que tiveram de aguardar pelo INEM mais tempo do que o suposto e o falecimento dessas pessoas. Ana Paula Martins diz que não é possível tirar essa conclusão enquanto não são conhecidos os resultados das investigações do INEM e da Inspeção Geral das Atividades em Saúde ao que se passou. Não há, neste momento, uma relação entre estes infelizes desfechos fatais e o socorro. É muito importante que se conheçam rapidamente os resultados destes relatórios, porque isso é fundamental para que as pessoas estejam em segurança. Em declarações esta segunda-feira, à margem de uma visita à Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Ana Paula Martins lamentou também que os meios de comunicação social prefiram destacar as más notícias do setor da saúde e ignorem as boas. E há resultados. Agora, eu compreendo é que é muito mais fácil propalar notícias menos boas. Não estou contra de maneira nenhuma, percebo perfeitamente que as notícias que não são boas e que têm que ser veiculadas, com certeza que sim, mas as que são boas, ninguém as propala. Ana Paula Martins voltou também a garantir que não está a equacionar demitir-se. A União Europeia deve dar uma resposta forte e unida à ameaça do presidente norte-americano de avançar com tarifas aos países europeus que enviaram tropas para a Groenlândia na semana passada. As palavras são do ministro das Finanças. Na semana em que os líderes da União Europeia discutem como reagir aos anúncios de Donald Trump, Joaquim Miranda Sarmento afirma que há linhas que não se podem ultrapassar e a soberania dos Estados é uma dessas linhas. Vamos discutir isso hoje e amanhã, há um Conselho Europeu quinta-feira, eu não vou antecipar decisões que o Conselho Europeu tomará ao nível dos primeiros ministros e dos chefes de governo, mas tem que ser uma resposta unida e uma resposta bastante forte, porque há linhas que não se ultrapassam e a soberania dos Estados é uma dessas. Está preparada para defender o preço económico, para defender a soberania do outro Estado-membro? Estamos preparados para atuar em conjunto, para avaliar as várias hipóteses, sendo que esta é uma linha vermelha que a União não pode deixar de passar. Joaquim Miranda Sarmento, este é um tema que estará em discussão esta tarde na reunião do Eurogrupo. À entrada para esse encontro, o comissário da Economia, Valdis Dombrovskis, reafirmou que todas as medidas estão em cima da mesa, mesmo a possibilidade da União Europeia ativar o mecanismo anticoerção pela primeira vez. Dombrovskis classifica as ameaças de Donald Trump como inaceitáveis. Tariff threats are not acceptable. As ameaças tarifárias não são aceitáveis como meio de lidar com estas questões. Devemos lembrar que a parceria transatlântica de comércio e investimento é a maior parceria do mundo. Portanto, há muito a perder economicamente, tanto no caso da Europa como nos Estados Unidos, as suas empresas e trabalhadores. Precisamos de encontrar uma solução construtiva. Como sabem, ainda esta semana haverá uma cimeira europeia extraordinária para discutir exatamente estas questões. E temos ferramentas à nossa disposição. Neste momento, nada está descartado. O comissário da Economia da União Europeia, Valdis Dombrovskis, e a resposta a dar às ameaças de Donald Trump. Esta manhã, recordo, a Alemanha mostrou-se preocupada com o agravamento da guerra comercial entre os dois blocos. O primeiro-ministro britânico defendeu o diálogo. Keir Starmer considera que a Europa não deve entrar numa lógica de retaliação com o presidente dos Estados Unidos. E o governo dinamarquês não estará representado no Fórum Económico Mundial, que decorre esta semana em Davos, na Suíça, encontro onde é esperada a presença de Donald Trump. A informação foi avançada hoje pela organização. Nas declarações que fez aos jornalistas à entrada para a reunião do Eurogrupo, Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, admitiu que não vai ser fácil Mário Centeno ser eleito vice-presidente do Banco Central Europeu. Esta é uma eleição muito difícil, são 6 candidatos, o lugar foi ocupado por um português até há 8 anos e há equilíbrios regionais que são considerados. Nós, a partir do momento em que a candidatura foi apresentada, iniciámos um conjunto de esforços. Eu falei com todos os meus colegas ministros das Finanças, com exceção dos 5 que também têm candidatos, porque com esses, obviamente, eles votarão no seu próprio candidato. Falei com todos, alguns deles várias vezes, sensibilizei-os para esta candidatura e portanto, esse esforço faz-se nos bastidores da diplomacia. O próprio Dr. Centeno também falou com os ministros das Finanças e com os seus ex-colegas governadores dos bancos centrais. Veremos a dinâmica da votação. Esta tarde o Eurogrupo vai votar a candidatura do antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e de outros 5 candidatos para os 2 lugares vagos no Banco Central Europeu. Miranda Sarmento prevê então dificuldades para Centeno ser escolhido. José Luís Carneiro pede a Luís Montenegro que clarifique o posicionamento do PSD na segunda volta das presidenciais, sublinhando que, face aos valores que defendem André Ventura e António José Seguro, não pode haver neutralidade. Entre a democracia e aqueles que atentam contra a democracia não pode haver neutralidade política. E do meu ponto de vista, ele deve ter uma posição mais clara sobre se está do lado dos valores constitucionais e do lado dos valores democráticos ou se está do lado daqueles que atentam contra os valores constitucionais e contra os valores democráticos. Em declarações esta tarde, à margem de um almoço, o líder do PS lembrou também a promessa feita durante a campanha caso Marcos Mendes ficasse frente a frente com André Ventura numa segunda volta. A minha posição foi muito clara, ainda antes de terminar o quadro eleitoral. Aquilo que disse foi, o Partido Socialista, perante um quadro eleitoral em que esteja o Dr. Luís Marques Mendes